Chapitre 3e, mars 1962. L'hiver avait été exécrable, neige, grêle et pluie s'étaient succédés. Tous les légumes du potager avaient gelé. Tona et Magali, sa fille, n'avaient vécu que de patates, de poulets, de lapins, et les réserves commençaient à s'amenuiser. La nuit était tombée depuis un moment, une nuit épaisse, froide, avec une huileuse humidité. Magali était affairée devant la pile de l'évier, et Tona avait mis la TSF en marche pour écouter une pièce policière. Soudain, les deux chiens affalés devant la cheminée se levèrent d'un seul bond et se mirent à gronder. « Paix les chiens !» ordonna Tonin, sans succès. Les deux bêtes se mirent à aboyer plus fermement et se postèrent derrière la porte. Ils se mirent à gratter le bois furieusement, montrant ainsi qu'il y avait certainement un intrus. Tonin empoigna son fusil et introduisit deux cartouches et saisit la lampe électrique. « Merde, elle marche pas !»« Tu pouvais pas me dire que les piles étaient HS ?» Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Tiens, prends le fanal à pétrole et méfie. T'inquiète, dit-il en ouvrant la porte. Les chiens se ruèrent dehors en aboyant furieusement. Tiens tes chiens, si tu veux pas que j'en fasse des tripous, dit une voix dans l'obscurité. Qui va là? Montre-toi, sinon je tire au hasard. Tu tirerais sur ton frère, assassin, va. Qu'est frère? J'ai jamais eu de frère. C'est pas la peine de m'enfumer. Montre-toi que je te dis. Avance dans la lumière. D'accord, mais baisse ton arme. Tonin rappela ses chiens à grand-peine, et l'individu s'avança dans le halo du fanal. Il était court sur pattes, râblé, une casquette rivée sur la tête. « Je suis Victor, ton frère, » annonça-t-il. « Mais qu'est-ce que tu chantes, la fada? J'ai jamais eu de frère. Allez, qu'est-ce que tu veux, dépêche. Notre mère ne te l'a jamais dit, mais je suis bien ton frère aîné. Victor, je m'appelle. Laisse-moi entrer, il faut que je t'explique. » « Arrive, » dit Tonin laconique. Paix les chiens, couchez! L'homme pénétra dans la pièce à vivre. Il n'était pas armé, contrairement à ce qu'il avait fait croire. C'est ta femme? Demanda-t-il en désignant Magali. Non, c'est ma fille. Bonsoir, ma nièce, dit l'inconnu d'un ton enjoué. Magali interrogea son père du regard en s'essuyant les mains à son tablier. Asseyez-vous, proposa Tonin, prenant un vouvoiement de méfiance. Oh, tu peux continuer à me tutoyer, ça se fait entre frères. « Alors accouche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Si tu veux du pognon, tu peux te brosser, j'ai pas un radis. »« Mais non, bourrique, » repartit l'homme en dévisageant Tonin. « Tu ne me ressembles pas, enfin pas trop. Je me demande maintenant si nous avons le même père. »« La mère a peut-être eu un galant, qui sait. »« N'insulte pas la mémoire de ma mère, salaud. Ne t'en cagne pas, je vais t'expliquer. » Le nouveau venu se roula une cigarette et commença son récit. « Je suis parti de la maison quand j'avais 5 ans. Enfin, c'est la mère qui m'a placé à cet âge-là. Toi, tu devais avoir quelques mois et tu étais emmerdant que c'était pas possible. Le père venait de mourir au fond en 18 et la ferme n'allait déjà pas fort. La mère ne s'en sortait plus et n'arrivait pas à s'occuper de tout. Il faut dire que du peu que je me souvienne, j'étais plutôt du genre casse-bonbon. Il fallait me surveiller comme l'huile sur le feu. Alors elle m'a placé comme pupille à l'assistance. » J'ai fait plusieurs centres, plusieurs familles, et dès que j'ai eu l'âge, j'ai fait mon armée. En 39, j'avais 26 ans, et je me suis tapé Dunkerque, la captivité et tout le bastringue. En Allemagne, j'ai travaillé chez un type qui avait des serres et sa fille était splendide. Je te jure, j'étais heureux là-bas. En fait, c'est eux qui m'ont appris un métier parce que, à part déconner, je ne savais rien faire. Je me suis marié avec Greta, et je pensais bien finir mes jours en Bavière. Mais Greta est morte d'un cancer du sein, puis c'est le vieux Holz qui a passé l'arme à gauche. Je me suis retrouvé propriétaire de l'entreprise puisqu'il n'y avait plus d'autres héritiers. Pendant quelques années, j'ai tenu le coup, mais le cœur n'y était plus. Finalement, j'ai vendu l'affaire au premier commis et je me suis dit qu'il était temps pour moi de retrouver mes origines. J'ai fait des pieds et des mains pour recouvrer mon identité de citoyen français, ancien prisonnier de guerre, même que j'ai la carte d'ancien combattant. En rentrant, j'ai ramené 2 Roumains et 1 Grecque qui avaient travaillé pour moi. Arrivé dans le coin, je me suis renseigné discrètement et j'ai rendu visite au notaire. Ainsi, j'ai appris que, d'1, tu tirais le diable par la queue, et de 2, que la mère m'avait déshérité. Elle m'a fait porter comme disparu, et hop, tu devenais le seul héritier. Tu penses bien que j'ai fait valoir mes droits, et tu ne possèdes plus désormais que la moitié de la ferme. « Eh ben !» s'exclama Tonin. « Déjà que j'arrive tout juste à manger à ma faim, il ne me reste plus que d'aller faire le clodo. Tu peux tout prendre si tu veux. Merde, quoi. Attends, ne commence pas tant cagner et laisse-moi t'expliquer. Je ne veux pas te foutre dehors, bien au contraire. Avec le pognon que j'ai tiré de mon ancienne affaire, je compte faire des travaux ici pour monter une pépinière avec des serres. On fera aussi un peu de jardinerie, je me suis renseigné. Le plateau se bâtit à Venelle, à Puy-Ricard, à Célonie, que des villas. Il y a de l'oseille à prendre, et je suis sûr que ça marchera. Et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Je te préviens que j'ai pas un sou. Au début, tu travailleras et tu feras ce que je te dis de faire pour démarrer les plans, les serres et tout le toutim. Toi aussi, Magali, tu travailleras au début. C'est moi qui vous nourrirai. Après, quand l'affaire aura démarré, chacun aura sa place et son salaire, comme moi aussi. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Si je comprends bien, ça te fait de la main-d'œuvre à bon compte. Tu débarques et au plat, on devient tes esclaves. T'es gonflé tout de même. Putain! Et tu crois que c'était pas gonflé de me foutre à l'assistance pour s'occuper de toi, de jamais chercher à savoir ce que j'étais devenu? Je crois que ta fille a compris, elle. Il vaut mieux qu'elle t'explique le topo. Magali se rapprocha de son père. Elle avait sorti une bouteille de blanc et trois verres qu'elle remplit. Bah, ça coûte rien d'essayer. De toute façon, les bâtiments tombent en ruine et on a juste de quoi manger. Ce n'est pas bête, cette idée de serre. On a de la place à revendre, et moi j'ai pas envie de crever ici, vieille fille. Au moins on fera quelque chose, on verra du monde, on vivra, quoi. Et c'est ainsi que les caracs, comme les appelaient les gens du coin, s'installèrent. Victor fit venir une équipe de maçons piémontais de Paesana, et la ferme commença à changer d'aspect. Les Roumains préparèrent le terrain pour les serres et commençaient déjà à les monter. Cette vie communautaire n'allait pas sans quelques accrochages. Tonin tenait à avoir son mot à dire, mais les Roumains n'acceptaient pas ses ordres, prétextant qu'ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Quant aux maçons, ils préféraient avoir affaire à Tonin plutôt qu'à Victor, qui avait tendance à les considérer comme des esclaves. C'est dans ce nouveau contexte que Volpi et Michaud firent leur connaissance. Lorsque Michaud revint de derrière la ferme, il rendit compte de son entrevue avec les Roumains. Ils montaient des serres à Arceau et ce n'était pas tâche si facile. Ils avaient travaillé pour Victor en Allemagne. D'après eux, c'était un type un peu épineux mais droit et juste. En plus, il ne mégotait pas sur les salaires quand l'ouvrage était bien fait. Au sujet de Marie Morel, il ne savait rien et comme les pieds montaient, il ne sortait pratiquement jamais de la ferme. Après deux ou trois essais au café du coin, ils avaient compris qu'on les regardait de travers, et Victor leur avait bien recommandé de ne pas faire d'histoire. Aussi, ils continuaient à travailler, à amasser de l'argent en attendant des jours meilleurs pour prendre des loisirs. De retour au central, Volpi demanda à Michaud d'organiser une enquête de voisinage pour le lendemain. Mais quatre types sur le coup, au moins. Il n'y a pas beaucoup d'habitants sur le plateau, mais ils sont disséminés. Plus les gars seront nombreux, moins on perdra de temps. Quant à lui, il alla rendre visite au docteur Charles qui devait avoir terminé l'autopsie de Marie. Le légiste était en train de se laver méticuleusement les mains. « Ah, voilà notre Elvis de la PJ !» s'écria Charles. Volpi dédaigna le sarcasme. « Alors, Toubib, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous savez de quoi elle est morte ?»« Oui, elle est morte d'asphyxie, mon cher. »« Étranglée ?»« Non, aucune marque de strangulation. Elle a le cou parfaitement intact. » Étouffé avec un coussin, alors? Non plus. En général, il reste des traces microscopiques de tissu dans le nez ou la bouche. Là, rien. Volpi avait bien envie de donner sa langue au chat, mais il savait que ce jeu de devinettes était un des plaisirs de Charles, joueur comme un gamin. Alors, elle a oublié de respirer? Dit Volpi en plaisantant. Eh ben oui, gagné. Disons que, plus exactement, c'est sa cage thoracique qui s'est bloquée, empêchant ainsi sa respiration. Et comment ça peut se faire, ça, sans qu'on soit mort? S'étonna Volpi. Ah! Jubila Charles. Ce blocage des muscles, de tous les muscles, intervient sous l'effet de substances telles que le curare, associé à la morphine et encore d'autres produits. J'en ai trouvé des traces dans le sang de la petite. Elle a donc été empoisonnée, c'est ça? Exact. Et en cherchant bien, venez voir ce que j'ai trouvé. La trace de la piqûre par laquelle on lui a injecté le produit. Charles mit une loupe dans les mains de Volpi et lui indiqua un tout petit trou dans l'épiderme de l'épaule droite, plutôt vers l'arrière. « Voilà, la piqûre a été faite ici, vous voyez ?» vraisemblablement un cocktail anesthésiant banal à bonne dose. Mais ce produit l'a seulement endormi. Et on a dû la tuer après, non? Que nenni! Un tel produit paralyse les muscles et empêche toute réaction du sujet qui, pour continuer à vivre, a besoin d'une assistance respiratoire, ce dont ne disposait pas l'assassin. La gamine s'est donc asphyxiée, comme vous le disiez, faute de n'avoir pas respiré. C'est QFD. Volpi regardait fixement le visage aux yeux fermés de la fille. Sa pâleur mise à part, on aurait cru qu'elle était sagement endormie. Sa coupe au carré, impeccable, la faisait ressembler à Mireille Mathieu. Le maquillage était irréprochable et rien n'y manquait. Eyeliner, faux cils, fard à paupières, rouge à lèvres passé certainement au pinceau, léger nuage de blush sur les joues, on sentait le beau travail. Comme elle n'avait pas l'habitude de se maquiller, d'après sa mère, tout portait à croire que c'est l'assassin lui-même qui l'avait préparé ainsi, pour ensuite en jouir tout à son aise. « Elle a été violée ?» avança Volpi, sûr de la réponse. « Non, monsieur, elle est aussi vierge que Sainte-Marie. On n'a même pas tripoté, je n'ai rien relevé. »« Ah, et puis vous n'avez pas tout vu. » Et Charles, d'un geste brusque, dévoila le corps nu. « Regardez comme elle est belle. Avec ses vêtements de Sainte-Nitouche, on n'aurait pas cru qu'elle avait un corps aussi parfait. » Admirez les muscles bien formés, la finesse des attaches. C'est type à beau, ça, madame. Et puis sentez sa peau, allez-y, encouragea Charles. Volpi, à regret, approcha son nez d'une des jambes. C'était vrai que sa peau sentait bon, un parfum de fleurs, léger mais entêtant. Vous avez vu? On a dû lui masser tout le corps avec de la crème parfumée. Et venez voir ce qu'il y avait sous le cardigan et la jupe. Charles exhiba un soutien-gorge saumon en dentelle et une culotte assortie, de la lingerie de luxe à n'en pas douter. Le soutien-gorge lui allait à ravir, mais la culotte était un peu grande. C'est neuf tout ça, sûr. Sur la jupe, il y a encore l'étiquette. Elle était trop grande d'ailleurs, et l'assassin s'est arrangé avec une épingle à nourrice. Petit à petit, grâce aux observations de Charles, le modus operandi prenait corps dans l'esprit de Volpi. Il attrapa deux chaises et les mit côte à côte, puis demanda à Charles de s'asseoir sur celle de droite. Il passa son bras derrière les épaules de Charles et lui pointa son stylo sur l'épaule droite. « Et hop, je vous pique, » dit-il. « Je suis presque certain que les choses se sont passées ainsi. Sinon, pourquoi l'épaule et non le bras ? C'est à cet endroit qu'on fait des injections, non ? Oui, surtout pour les intraveineuses. Mais le produit peut être injecté en sous-cutané. Il fait tout de même son effet à cause du curare, surtout si on en injecte une bonne dose. » Je pense que c'est en voiture qu'elle a été piquée, certainement par surprise. C'est bien mon avis. Au cinéma, c'était possible aussi, mais il aurait fallu sortir le corps, tandis qu'en voiture, ça colle, commissaire. Elle ne devait pas se méfier. Peut-être connaissait-elle son assassin. De retour au commissariat, Volpi expliqua à Michaud les conclusions auxquelles Charles et lui étaient parvenus. Il lui demanda de faire interroger l'ami de Marie sur la précédente soirée, et de trouver des témoins qui avaient vu sortir la jeune fille de l'hôtel après son service. « Fais-moi ça tout de suite, avant de partir. Je veux des résultats dès demain, en fin de matinée. » Michaud lui jeta un regard en coin. « Bien, patron, » dit-il en appuyant sur le mot « patron ». Volpi passa un coup de fil au juge Cassard pour le mettre au courant de l'enquête et lui indiquer comment il entendait mener la suite des opérations. « C'est encourageant pour l'instant, Volpi. » Si nous obtenons le signalement de la voiture ou de la personne, ce qui serait encore mieux, qu'il a embarqué, je pense que l'affaire sera pratiquement résolue. Un peu de flair additionné d'un peu de bol et nous aurons l'assassin. Et ce Valentin, vous ne trouvez pas qu'il ferait un bon suspect ? Mouais, maugréa Volpi. Je vérifierai son alibi pour le jour du crime. Mais il correspond trop bien au profil du tueur, je sens l'embrouille. Je sais, vous avez le flair pour ça. Allez, ne soyez pas défaitiste, Volpi. Une fois le suspect repéré, il est possible qu'on trouve chez lui des preuves compromettantes, du maquillage, des vêtements, peut-être même des photos, des produits pharmaceutiques, que sais-je. En tout cas, ça écarte la piste des genoux, vous ne trouvez pas? Vous voyez quelqu'un de chez eux manier un fard à paupières et poser des fossiles, moi pas. À moins qu'il ne s'agisse d'une des deux filles. Non, même pas, je le sens pas. Elles ont bien d'autres chats à fouetter. Et puis, ni l'une ni l'autre ne m'a paru douée pour le maquillage. En tout cas, ça ne se remarque pas sur elle. Après avoir accroché, Volpi s'étira un grand coup et bâilla sans décrocher la mâchoire. « Bon, Serge, j'en ai marre pour aujourd'hui. Je rentre à la casa. »« Tu ne vas pas venir à la maison ?»« Non, merci, tu es gentil. J'en ai soupé de la campagne. Et puis faire encore ces kilomètres pour revenir, je ne m'en sens pas capable ce soir. Peut-être demain soir. Ciao, à demain. » Volpi regagna son coquet de pièces rue Esparia, où il habitait depuis son départ de la ferme de Rogne. Il se changea et se mit à son aise, mais au bout d'une demi-heure, ni la radio ni les journaux ne parvinrent à distraire son esprit des pensées obsédantes qui l'assaillaient. Il se refusa à déboucher la bouteille de Glenlivet. Il était un peu tôt pour commencer à boire de l'alcool, et il sentit que s'il ne faisait rien, le paquet de Royal y passerait. Quand le soir arrivait, les angoisses et la déprime revenaient lui tenir compagnie. Cassard lui avait dit, lui qui avait perdu un fils en Allemagne et sa femme dans un bombardement. « C'est très long, Volpi. Ne vous découragez pas. Je suis passé par là et vous verrez. Les angoisses disparaissent. On s'habitue à être seul. Mais le chagrin, lui, ne disparaîtra jamais. Il sommeille, et de temps à autre, sans prévenir, il s'invite et vous étrangle. La meilleure médecine, c'est le travail. » Il était bonheur, le juge. On n'allait tout de même pas passer sa vie à bosser comme des malades. Il avait une autre solution, un autre remède, qu'il entrevoyait de temps à autre, comme une fenêtre qui s'ouvre et livre sa vue sur le jardin. Il rendait visite quelquefois à Gilda, une fille magnifique qui tenait un bar à Salon et qu'il avait rencontrée lors d'une précédente enquête. Bien sûr, l'image de Chantal, son épouse disparue, était toujours présente dans sa mémoire. Mais elle était quelquefois masquée par un autre visage, celui de Gilda. Le rapport était relativement tendu, car la jeune femme n'avait pas la police en très haute estime. Mais ce n'est pas ce qui décourageait Volpi. Il espérait échafauder des plans, un avenir, des rêves. Après tout, se disait-il, pour faire taire quelques scrupules de conscience, je ne fais rien de mal. N'y tenant plus, il enfila un vieux jean, chaussa des tennis, ramassa ses clopes et son briquet, mit son portefeuille dans la poche arrière du bénard et déballa l'escalier. Il commença par s'octroyer une part de pizza à la boulangerie-pâtisserie voisine, puis se dirigea vers le Sans Pareil, un bar du bas du cours Mirabeau. Cet établissement était fréquenté par toute une faune de gauchistes, allant de l'ouvrier communiste de base en passant par les trotskistes, les marxistes-léninistes et même, depuis quelque temps, ceux qu'on appellerait plus tard des maoïstes, dont le rouge était plus rouge que rouge. Volpi ne faisait pas trop de distinguo entre ces diverses idéologies, qui lui paraissaient raconter la même fable de différentes façons. Il se demandait même comment ces jeunes, car ils avaient tous moins de 30 ans, faisaient pour se reconnaître entre eux. Il avait une sympathie particulière pour les ouvriers qui vivaient au contact des réalités dont les revendications lui paraissaient légitimes, lui dont le père était mort sur un chantier. Les autres étaient sympas, amusants, surtout quand on les rinçait gratos. Certains, l'œil sombre, la mine basse, avaient des gueules de conspirateurs, se parlaient à voix basse en surveillant leur entourage. Mais Volpi sut rapidement par d'autres que ce n'étaient que des rigolos. Bien évidemment, aucun d'entre eux ne connaissait sa profession, sinon il aurait pu avoir quelques problèmes. Il se faisait passer pour un petit comptable actuellement au chômage. Il choisit une table en terrasse près de l'entrée, et l'un des habitués ne tarda pas à venir le rejoindre, sachant que, comme à l'accoutumée, Volpi serait seul. « Alors, Gino, ça gaze. Extra, tu bois quelque chose, Féfé ? Quelle heure il est ? 7 heures ? Ouais, alors mets-moi un pastaga. T'as toujours pas de boulot ? Eh non. Il faut dire que je suis un peu difficile. J'ai pas envie de m'en aller en galère, alors. Eh ouais, tu voudrais une place juste en bas de chez toi, ou alors en face, c'est ça ? Demanda Féfé en ricanant. Ouais, c'est à peu près ça. Repartit Volpi en souriant. La conversation tomba, le temps pour chacun de siroter son apéro. Tout à coup, Volpi se dressa d'un bond, manquant renverser la table. « Putain, qu'est-ce qui t'arrive ? T'inquiète, je reviens. Tiens, » dit-il en mettant un billet de 10 francs sur la table, « paye les consos. » Puis il se dirigea à grands pas vers le cours Mirabeau. Il emboîta le pas d'une fille hors du commun. Vêtue d'un tailleur gris cintré qui lui allait à ravir, chaussée de talons hauts, sa démarche rapide et souple faisait penser à une star en balade, échappée du festival de Cannes qui se déroulait à cette époque. Ses cheveux, d'un noir profond, ondulaient au rythme de la marche. Sa classe, son charme, avec un rien de gouaille dans le sourire et le regard, faisaient retourner tous les hommes sur son passage. Volpi se porta à sa hauteur et, s'enhardit à lui adresser la parole. « Gilda, qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah, c'est que monsieur le commissaire est curieux, » dit-elle d'un ton ironique sans tourner la tête. « Non, je ne m'attendais pas à te voir ici, c'est tout. J'habite à deux pas. »« Eh ben, c'est bien, » fit-elle en continuant à marcher. « Tu fais des courses ? C'est un peu tard, non ?»« Poser des questions, tu ne sais faire que ça. J'ai rendez-vous chez un notaire, en haut du cours. »« Voilà, ça te suffit ?» Et cette fois, elle daigna tourner son visage vers lui. Malgré l'admiration qu'il éprouvait pour le minois de Gilda, il en fallait plus pour que Volpi se décourageât. Un notaire, ça signifie un héritage, une vente ou un achat. « Tu as perdu un proche parent ? » demanda-t-il d'un ton mielleux. « Non, » répondit-elle en soufflant de lassitude. « J'ai vendu mon bar de salon et j'en ai acheté un autre. Je vais signer la vente et l'achat. T'es content ?» Au fil de la conversation, ils étaient arrivés au haut du cours Mirabeau, derrière la statue de roi René. Le notaire était dans l'immeuble qui terminait l'artère. « Et où est-il, ce bar ?» interrogea Volpi, sachant bien que c'était une question de trop. « Si tu avais été moins curieux, je te l'aurais dit. Mais maintenant, tu languiras un peu. Allez, ciao, je ne veux pas être en retard. » Volpi lui envoya une bise virtuelle en embrassant ses doigts et en soufflant dessus. Puis il la regarda entrer dans l'immeuble. « Qu'elle était belle, nom de Dieu !» Il redescendit le cours avec devant les yeux la silhouette, le regard, les jambes de Gilda. Il s'en voulait car encore une fois il s'y était pris comme un manche. Finalement, il n'avait pas tant d'expérience que ça dans le domaine de la drague. Et puis sa déprime lui coupait un peu les moyens. Mais justement, c'est à cette maladresse qu'il avait compris qu'il était réellement épris de cette fille. Il ne repassa pas au sang pareil et préféra aller s'enfermer dans son deux pièces. Il tira les volets, s'allongea, ferma les yeux et savoura tout à loisir l'image de Gilda. Un jour, peut-être, il s'endormit tout habillé le ventre vide.